L'autre jour, la grosse Marietto m'espionne sous ses cookies, me demandait la boîte d'osseto. De qui ça coule la cuchillis? La cuchillis, il répond guère, il est une bestia, une parpaillole, dans la langue jaune, dans la brune, la patte blanche, sur le cul gris, et une garce qui s'expandit, dit nostra vigne, tu carasine, tu cabotine, tu casulfate, tu casabou et tu catour. Mais jamais tu colamarano, que nous escano. La cucilis ma du laganto, tu tente tendan pensadulla, che bumbi che nos encanto, si aghe muscato pico pul. Ie wa baier, ton et eteri, ta de prengeri, la cucilis, lo lun dansaba, lo nas brillaba, lo pensa usabo, lo cul pesaba, lo zezig la usabo, lo cabiravo, se m'abbias vist, trampaligeri, me spandigeri, fa jo pensiero, di lo rajol, me zacorai, es pas un crime, sui palo sul, sen una banda, che te tal lo jus de la trea, di la bute. La cuchilis est la canilla del malio que si un apre explot, el adecho que nos espio canta bene las palusou. La cuchilis nos envahis, nos esputis, nos adalis, jamais fugis, di la boceto, la ben subien, un copper jour, sen argentage, cum an apala, los deputage, lo pa jamais, los electus, lo amulus, se ye waisi, bene falase, ye choy fursat, mes un pietase, sabio daisop, marias probis, ye watabe, aime la bido, la bilos aigres et le bumbi, las excursions, la distractions, et los théâtres, et las fenêtres, et tous os autres, de tout à com, men calbusa, a dixas toutes, et tournarai, et cantarai, tant que la garça de canilla tendra l'estrio.